Les mystiques espagnols, par Paul Rousselot, professeur de philosophie. Marc Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Sainte Thérèse, sa vie. Les femmes ne le cèdent point aux hommes dans la vie spirituelle, il semble même que leur sexe, plus tendre et plus faible, y soit par là même enclin davantage. Aussi la voit-on embrassée, non seulement par un nombre incroyable de moines, mais encore par de simples femmes, qui ne songent qu'à s'approcher de Dieu. Ces paroles de Louis de Grenade sont confirmées à chaque page des annales religieuses de l'Espagne. Sanche de Carillo, sur le point de devenir fille d'honneur de la reine, oublie toutes les pensées du siècle à la voix de Jean d'Avila. Deux sœurs, d'une aussi haute fortune, Catherine et Marie de Sandoval, s'associent à l'œuvre de Sainte Thérèse. Une nièce de celle-ci, portant le même nom, se fait carmélite et devient une petite sainte. Parfois le cloître ne suffit pas, Catherine de Cardone ne se contente pas à moins du désert. Alliée à la maison d'Aragon, gouvernante de Don Juan d'Autriche, elle s'enfuit de la cour et va dans une solitude, sous des habits d'homme, se livrer à toutes les austérités que suggère une imagination ardente, exaltée par l'isolement. Telle est, en effet, la nature de l'ascétisme mystique, que les femmes surtout devaient en subir l'influence, souvent aussi les entraînements les plus périlleux. Une béate est en relation avec la Vierge et le Christ. On lui fait son procès. À Cordoue, une religieuse Clarisse, Madeleine de la Croix, a des extases, des visions, des révélations, pendant 30 ans, prêtre, roi, empereur, le peuple, bien entendu, tout le monde y croit. Elle y croit la première. Jean d'Avila l'examine. La détrompe, elle se soumet, et pour l'exemple on l'enferme. On voit, par les écrits des maîtres du mysticisme espagnol, de combien près étaient surveillées ses pieuses imaginations. Tout en rédigeant le code de ce mysticisme, ils opposent une barrière à ses excès, notamment parmi les femmes. Et c'est à une femme qu'était cependant réservé l'honneur de le personnifier dans ses caractères les plus remarquables, de lui donner sa plus complète formule. L'année de la bataille de Marignan, 2 ans avant la prédication de Luther, Thérèse naquit à Avila, dans la vieille Castille, le mercredi 28 mars 1513. Son père se nommait Alphonse Sanchez de Cépède, et sa mère, Béatrix de Ahumade. C'était une famille fort attachée à la religion. Un de ses oncles se fit moine, un de ses frères prit aussi l'habit, un autre vécut comme s'il l'avait pris, ces exemples n'étaient pas rares. Les biographes de Thérèse, et ils sont nombreux, on crut honorer sa mémoire en faisant d'elle une sainte dès le berceau. Avant d'être une sainte, elle fut enfant et jeune fille. Enfant, elle part un matin avec un frère de 4 ans pour aller chercher le martyr chez les morts. Pieux enthousiasme, sans doute, mais explicable en un pays qui n'en avait fini avec l'islamisme que depuis un quart de siècle, où un archevêque de Tolède, passant le détroit, se faisait général d'armée et preneur de ville, où l'on nourrissait chaque génération dans l'horreur de Mahomet et le zèle de la foi, explicable surtout en une famille castillane, où les enfants apprenaient à lire dans les vides des martyrs et des saints. C'était plus qu'il n'en fallait pour exalter une tête de 7 ans, ramenée au logis par un oncle qui les avait rencontrés à propos. Les deux fugitifs se font ermites dans le jardin de la maison. Ces détails intéressent, dans la bouche de Sainte Thérèse, quand, à 46 ans, Elle écrivait la relation de sa vie et jetait un regard en arrière sur sa famille, son enfance et sa jeunesse, évoquant par le sentiment autant que par le souvenir un passé déjà loin d'elle. C'est qu'il la montre dans la simplicité d'une nature vivante et complète, vraiment humaine. Mais faut-il, avec ses trop zélés panégyristes, y reconnaître absolument des marques précoces d'une ferveur plus qu'ordinaire? Ce n'est pas lui faire tort, que de restituer l'image ingénue de l'enfance ou l'imposante figure de la sainte. Jeune fille, elle aima le monde et même la parure, surtout la conversation, où brillait son esprit. Elle s'en accuse avec une ingénuité touchante. Parmi les habitudes sérieuses, sévères, de la maison paternelle, elle donnait volontiers accès aux distractions délicates, aux libertés permises, et, si on voulait l'en croire, aux décentes frivolités de la vie sociale, qui n'était pour elle que la vie de famille agrandie, car elle ne sortait guère d'un cercle de parents. Elle ne songeait pas alors à prendre le voile, il est vrai qu'elle avait à peine 14 ans. C'est cet intervalle de 3 ou 4 années tout au plus qu'elle appelait dans la suite, l'époque de son endurcissement, et sur lequel elle pleura jusqu'à son dernier jour. Toujours pieuse, sa plus grande faute était de se plaire outre mesure au roman de chevalerie, dont l'Espagne raffolait, elle passait les nuits à les lire. Elle en composait un avec Roderick, ce frère assidu complice de ses équipées enfantines. Ce goût lui venait de sa mère, unique faiblesse d'une femme valétudinaire, qui souffrit toute sa vie et mourut à 33 ans, fort belle, d'un esprit égal à sa beauté, d'une piété profonde et douce, peut-être le sentiment d'une fin précoce, quelques regrets d'une existence flétrie par la maladie et traversée de grandes peines, avait, il donnait à l'imagination de Béatrix de Hahuma d'un tour un peu romanesque, à sa fois une nuance de tendresse mélancolique. Thérèse lui dut, sans doute, avec la patience à souffrir et la douceur envers la souffrance, les qualités brillantes de l'esprit et la vive imagination. Son père ne présentait pas le même mélange de sentiments religieux et de goûts presque mondains. Il s'interdisait à lui-même et défendait aussi un ses romans, qu'on ne lisait qu'à son insu. Il était sincère, humain, charitable, mais austère, concentré, vraie piété castillane, ardente et sombre, sans toutefois étouffer les affections du cœur. Il adorait Thérèse. Le veuvage est peut-être, par une réaction touchante, l'exemple de sa fille devait le conduire, vers la fin de sa vie, à l'ascétisme mystique. C'est dans ce milieu que Thérèse grandit. Elle avait perdu sa mère à l'âge de 12 ans. 3 ans après, on maria sa sœur et on la mit elle-même dans un couvent d'Avila, où étaient élevées les jeunes filles nobles. Elle était encore incertaine de sa vocation. Tout en appréhendant le mariage, elle n'en repoussait pas absolument l'idée. Le cloître ne l'attirait pas. « J'aurais désiré, dit-elle, que la volonté de Dieu ne fût pas de m'appeler à la religion. » La grâce la toucha peu à peu, de grandes maladies, dont elle ne se releva jamais entièrement, y contribuèrent. Enfin elle se décida, et, malgré une assez longue résistance de la part de sa famille, elle entra au monastère de l'Incarnation, de l'ordre du Carmel, dans sa ville natale, le 2 novembre 1535. Elle avait 20 ans. Cependant, même après sa profession, elle eut encore ou crut avoir quelques refroidissements de piété. C'était une époque de transition, et qui dura 18 années, Elle passait insensiblement de la dévotion au mysticisme, et celui-ci, comme un feu qui a longtemps couvé sous la cendre, allait bientôt se manifester avec éclat. Une lecture des confessions de saint Augustin paraît en avoir déterminé l'explosion définitive en 1535. Elle avait eu sa première vision plusieurs années auparavant, et elle pratiquait depuis longtemps déjà l'oraison mystique, mais avec interruption, et sans se rendre compte ni des phénomènes, ni des conditions de la vie extatique. Ce qu'elle raconte de ses inquiétudes, de ses luttes avec elle-même, se rapporte spécialement à cette période de son existence où le mysticisme, se développant en elle avec une spontanéité qu'elle ne comprenait pas, lui faisait craindre d'être abusée par des chimères et de se trouver involontairement en désaccord avec l'Église. Tout d'abord, elle ne voit pas clair dans son âme, jetée violemment hors des lois communes de l'existence, son trouble est profond, tant que dure ce travail de sa nature morale, elle souffre, une fois accomplie, elle se rassure, elle se sent dans la pleine possession d'un état intérieur qui n'a plus rien que de normal à ses yeux, alors elle entreprend de s'analyser. À la période de la spontanéité succède la période de la réflexion, tout entière à la contemplation extatique jusqu'en 1562, elle commence à céder à une phase nouvelle, et entre, par la réformation de son ordre, dans l'histoire de son temps et dans l'histoire générale de l'Église. Les carmes faisaient, comme on le sait, remonter leur antiquité jusqu'au prophète Élie. Authentique ou non, cette tradition, énergiquement revendiquée, avait imprimé à leur ordre certaines tendances qui, par la contemplation solitaire et les habitudes ascétiques, pouvaient aisément conduire au mysticisme. On les appelait et ils se flattaient d'être appelés les contemplatifs. D'autre part, la dévotion spéciale qu'ils avaient à la Vierge, leur protectrice immédiate, n'avait pas médiocrement contribué à introduire dans l'esprit religieux une douceur et une mansuétude très propres à faire naître l'amour mystique. C'est le Carmel, qui, par la révélation du scapulaire, a le premier, au Moyen Âge, adoucit le terrible dogme de l'éternité des peines et fait briller un rayon de consolante lumière dans les sombres terreurs de la conscience. C'est lui qui, en jetant les premières assises du dogme de l'Immaculée Conception, a le plus favorisé l'extension du culte de Marie, personnification d'un sexe que le christianisme relevait de sa longue infériorité. C'est lui enfin qui a jugé Satan par cette parole, « Le malheureux, il n'aime pas ». Il est incontestable qu'il a joué un rôle considérable dans l'Église catholique, on serait tenté de lui attribuer une part dans le mysticisme de sainte Thérèse, dernière et brillante manifestation de son antique esprit. Renouvelé dans des conditions particulières au XVIe siècle et à l'Espagne, le mysticisme devenant actif, poursuivant une œuvre de dévouement, se traduisant par l'amour du prochain comme par l'amour de Dieu, combattant l'hérésie luthérienne par l'amour et la prière, essayant de retremper la foi aux sources vives de la charité, se résumant pour ainsi dire en une femme et se formulant par sa bouche, mais ce pas une œuvre en rapport avec l'esprit du Carmel. Voilà un point de départ pour des inductions engageantes, mais hasardeuses, et dans la voie desquelles il ne faut s'aventurer qu'avec prudence. Le mysticisme de sainte Thérèse, personnel et spontané, n'est pas un produit de l'esprit de son ordre. Que celui-ci ait été capable de le développer, rien de plus vraisemblable, mais s'il s'est mêlé à son fond, il ne l'a pas créé. Sainte Thérèse se préoccupe assez peu des questions d'origine, elle parle à peine d'Élie. Ce qui la frappe, c'est la tendance contemplative et favorable à l'amour divin, elle reconnaît sa propre religion dans celle de l'antique Carmel, et croit qu'elle renferme assez de vitalité non seulement pour refleurir, mais pour servir la cause de la foi. Elle veut opposer à la réforme une arme qu'elle juge la plus puissante de toutes, l'amour, la seule qu'elle emprunte au catholicisme, ou plutôt ce côté du catholicisme lui voile tous les autres. Il est évident qu'elle se tourmente des progrès de la réforme, non pas en Espagne, elle n'en dit rien. Nouvelle preuve du peu de chance sérieuse que le protestantisme avait eu de s'y implanter. Mais dans les autres contrées, notamment en France, non pas pour l'Église, dont elle ne met pas le triomphe en question, mais surtout pour les égarés, qui se précipitent dans la mort éternelle. Combattre Luther et Calvin, c'est sauver des âmes qui vont se perdre comme à plaisir, et le meilleur moyen de les sauver, c'est la prière et la charité, car elle les anime malgré leur aveuglement. Elle pleure sur elle, elle donnerait sa vie pour les racheter. En note, citation du livre de la vie, « Je souffre de voir tant de luthériens, que le baptême avait rendu membre de l'Église, se perdre malheureusement, et ma passion pour leur salut est si violente, que je crois certainement que si j'avais plusieurs vies je les donnerais toutes de bon cœur pour délivrer une seule de ces âmes de tant d'horribles tourments, que si nous ne pouvons voir souffrir une personne que nous aimons sans être touchés de compassion, et ne pas ressentir vivement sa douleur lorsqu'elle est grande, de quelle affliction ne devons-nous pas être pénétrés en voyant une âme se précipiter pour jamais dans les plus effroyables de toutes les peines ? » Fin de citation. L'ordre des Carmes lui paraissait éminemment propre à répandre ainsi les bienfaits d'une religion de dévouement et d'amour, et en même temps à rendre à l'Église une nouvelle splendeur, car si elle ne craint rien pour sa durée, elle ne se dissimule pas que sa pureté primitive est altérée. Servir l'Église au moyen des ordres monastiques avait été la pensée du Moyen Âge, la réformer par la réforme de ces mêmes ordres, et en général du clergé, était encore au XVIe siècle. Bien que datant de plus loin, le rêve de beaucoup d'esprits sincères, Sainte Thérèse fut du nombre. En note, citation du livre de la vie, « Quel malheur est donc plus grand que celui des monastères, tant d'hommes que de femmes, qui ne sont pas réformés, et où l'on marche également par deux voies si différentes, celle de la vertu et celle du relâchement, mais que dis-je également, hélas, on suit beaucoup plus la voie qui est si périlleuse, parce que nos inclinations nous y poussent et que, le plus grand nombre y marchant, leur exemple nous la fait paraître encore plus agréable. Ainsi le chemin de la véritable observance est si peu battu, que le religieux et la religieuse qui veulent satisfaire aux devoirs de leur vocation, ont plus sujet d'appréhender les personnes avec qui ils vivent que les démons. Y a-t-il donc lieu de s'étonner de voir tant de maux dans l'Église, puisque ceux qui devraient porter les autres à la vertu ont éteint en eux à un tel point l'esprit des saints fondateurs de leurs ordres? Je prie Dieu de tout mon cœur d'y vouloir apporter le remède qu'il sait être nécessaire. Fin de la note. Le remède, trop partiel d'ailleurs, était surtout trop peu pratique. Les ordres religieux avaient fait leur temps, approprié à l'état social du Moyen Âge. Leur place n'était plus dans la société qui allait le remplacer. Ignace de Loyola et ses héritiers l'ont bien compris, aussi ont-ils profondément modifié, dans celui qu'ils ont fondé, l'esprit du monachisme ancien. La tentative de Sainte Thérèse ne pouvait donc pas avoir une action très efficace, arrêter la marche du protestantisme dans la chrétienté comme elle l'aurait désiré, mais elle a certainement rendu service à la religion catholique en contribuant à la diffusion d'un mysticisme orthodoxe, qui, repris en sous-œuvre, n'est pas encore éteint aujourd'hui. Sainte Thérèse l'accomplit comme une mission divine, sur l'ordre exprès de Dieu et non sans peine. Note. La règle du Carmel, donnée par Albert, patriarche de Jérusalem, avait été mitigée en 1431 par le pape Eugène IV. Fin de la note. Il faut lire le récit qu'elle en a fait, intitulé « Le livre des fondations ». Depuis le 25 août 1362, date de l'établissement du premier monastère sur le pied de l'ancienne observance, jusqu'au 9 avril 1582, 7 mois avant sa mort, elle institua par elle-même 17 couvents de femmes et 15 couvents d'hommes, sans compter ceux qui s'élevèrent, soit d'après ses conseils, soit indirectement par suite de l'impulsion qu'elle avait imprimée au mouvement monastique. Lorsqu'elle mourut, la population des monastères de Carmélite dépassait 1 millier d'âmes, chiffre considérable eu égard à la population totale et au reste du clergé. Pour se faire une juste idée de cette portion de la vie de Sainte Thérèse, il faudrait la replacer dans le milieu où s'est déployée son activité, parmi ses compagnes et des de quelques-unes, dirigeant les autres, veillant sur toutes, les soutenant par son exemple, ses écrits, ses lettres, parmi ses coadjuteurs, les amis dévoués à son œuvre, les théologiens de tout ordre, de tout rang, moines, prêtres séculiers, docteur, évêque, inquisiteur, éclairé par ceux-ci, protégé par ceux-là, suspecte à plusieurs, jaloux de sa réforme ou incrédule à ses extases, sur le point d'être arrêté à Séville et conjuré comme démoniaque, du moins déféré au Saint-Office, qui mit plusieurs années à examiner la relation de sa vie, car elle a conquis sa sainteté. Elle n'y est pas arrivée de plein pied. Il faudrait enfin la montrer travaillant sans relâche, pendant 20 ans, au triomphe de son entreprise, sans cesse sur les routes, courant d'une ville à l'autre, de Medina del Campo à Valladolid, de Tolède à Salamanque, de Séville à Ségovie, de Grenade à Burgos, surmontant tous les obstacles, dégoûts, pauvreté, dédain, persécution, à force de courage, de foi et de sacrifice, vie militante, humble, dévouée, vraiment sainte, la mise en pratique de sa devise, ou souffrir, ou mourir. Au milieu de ces événements extérieurs, son mysticisme grandit, l'action n'ôte rien au progrès de la contemplation. C'est une double existence à laquelle nous initie ses ouvrages, on pourrait dire ses mémoires, car ils sont le récit de sa vie extatique comme de sa vie active. L'histoire de leur composition n'est pas sans importance. Elle écrivit d'abord la relation de sa vie que lui avait demandé l'un de ses confesseurs, le jésuite Ibáñez, professeur à Avila. Les théologiens n'étaient pas d'accord sur les questions délicates dont elle les entretenait ou qui étaient soulevées à son propos. Aussi cette vie est, elle moins le récit des événements extérieurs de son existence que la vivante histoire de son âme, c'est par là qu'elle attache et qu'elle émeut. Commencée en 1561 à Avila et terminée à Tolède au mois de juin de l'année suivante. Elle fut rendue publique par une indiscrétion de la princesse d'Éboli qui en envoya des copies à Madrid. L'une d'entre elles tomba entre les mains des inquisiteurs, Au printemps de 1575, ils en firent un très long et très sévère examen, car on sait par une lettre de Thérèse à son frère Laurent du 22 février 1577, qu'à cette date l'information était encore pendante. Ils finirent par en approuver le contenu, et après la mort de Thérèse, le saint office contribua même aux dépenses nécessaires pour l'imprimer. Ce même ouvrage fut soumis à Jean d'Avila qui écrivit à cette occasion les deux lettres approbatives dont nous avons déjà parlé, l'une du 12 septembre 1568, l'autre du 12 avril 1569. Peu de jours avant de mourir, Sainte Thérèse le lui avait envoyé par Louise de la Cerda, sur le conseil de François de Soto y Salazar, inquisiteur. Plus tard elle le retoucha, le divisa en 40 chapitres, sur l'ordre du père Garcia de Tolède, dominicain, et y ajouta le récit de la fondation de Saint-Joseph d'Avila. À la suite de cette vie, que Bayet et Arnaud ont comparé aux confessions de Saint-Augustin, Louis de Léon, éditeur des œuvres de Sainte-Thérèse, a placé un supplément, sorte de mémoire qu'elle a adressé à ses confesseurs ou qu'elle avait rédigé à différentes époques pour elle, même dans le but de fixer ses souvenirs. On y joint de plus trois relations sur l'état de raison. La première est probablement de l'année 1360, la seconde, commencée en 1561, fut reprise en 1562. Toutes deux paraissent avoir été adressées, comme la Vida, au père Pierre Ibanez. La troisième semble avoir été faite en 1576, et destinée au père Rodrigue Alvarez, jésuite. Le second ouvrage de Sainte Thérèse est Le chemin de la perfection, commencé en 1562 à la demande du père Dominique Bagnès, dominicain, régent au collège de Saint-Grégoire à Valladolid. Il ne fut terminé qu'en 1567. L'archevêque d'Évora, dont Antonio de Bragance, le fit imprimer l'année de la mort de son auteur, et une seconde édition eut lieu l'année suivante, l'une et l'autre inexactes. C'est, avec le château de l'âme, l'écrit le plus important de Sainte Thérèse au point de vue de la doctrine. Quelques années plus tard, elle rédigea, pour obéir à un autre de ses confesseurs, le père Jérôme de Ripalda, recteur de la Compagnie de Jésus à Burgos, le livre des fondations, contenant l'historique de sa réforme. Là sont les faits extérieurs de sa vie, vie de fatigue, de peine de corps et d'esprit, éprouvant chez elle autant de lumière et de fermeté dans la pensée que de ferveur et de piété dans le cœur. Commencé à Salamanque le 24 août 1573, ce livre comprit d'abord les 10 premières fondations. Repris au printemps de 1376 sur l'ordre du père Gratian, à Tolède, il fut augmenté du récit de 3 autres fondations, et interrompu le 14 novembre de la même année. Enfin, 4 mois avant sa mort, et sur l'invitation du même Gratian, Sainte Thérèse le compléta par le récit de 3 fondations nouvelles. Quant à celle du monastère de Saint-Joseph à Grenade en 1581, la relation en fut faite par la mère Anne de Jésus. Sainte Thérèse n'y ayant pas assisté, ne voulut pas l'écrire elle-même. Cet ouvrage ne faisait point partie de l'édition donnée par Louis de Léon en 1588. Il parut pour la première fois à Bruxelles en 1610. La Vida étant restée fort longtemps à l'examen du Saint-Office, quelques-uns des directeurs et des amis de Sainte-Thérèse, entre autres le docteur Velasquez qui fut évêque d'Osma, et le père Gratian, provinciales de l'ordre, ne purent se résigner à voir une doctrine qu'ils admiraient, perdue peut-être pour toujours, ils l'engagèrent à reproduire les enseignements qu'elle y donnait sur l'oraison, et même ils lui en firent un devoir, auquel elle se soumit. Telle est l'origine du château intérieur ou les demeures de l'âme, commencé à Tolède le 2 juin 1577 et achevé à Avila en moins de 6 mois. Il fut remis au Père Gratian pour qu'il en prît d'abord connaissance et le communiqua au Père Diego de Yanga, dominicain. C'est l'ouvrage le plus complet de Sainte Thérèse, celui qui donne l'idée la plus exacte de son mysticisme et peut-être du mysticisme espagnol, celui qu'elle présente elle, même comme le fruit de sa longue expérience de la vie intérieure. Les exclamations après la communion s'y rattachent naturellement, elles sont au nombre de 17, écrites à différents jours de l'année 1579. Voici ce que Villeflore dit à ce sujet, une nuit que la sainte écrivait dans sa cellule on ne sait quoi, elle fut tout à coup si dégagée d'essence, qu'une religieuse y entra sans qu'elle l'entendît. La sainte de temps en temps posait sa plume et interrompait ce qu'elle écrivait par de profonds soupirs qui lui échappaient. Ses yeux paraissaient si pleins de feu, et son visage si éclatant, que la religieuse en fut touchée d'une vive crainte, car il y avait dans son extérieur une majesté qui représentait les divines opérations qu'elle éprouvait. La religieuse sortit sans être aperçue. Peut-être travaillait-elle alors à ses méditations après la communion, qu'on appelle en espagnol exclamation, du moins c'est dans cette année qu'elle les composa. Jamais l'amour ne s'est exprimé par des termes si pleins de force et avec des transports si violents que dans cet écrit, les hommes ne sauraient parler un tel langage. Et le Dieu qui l'animait fut sans doute l'auteur de ce style ardent et sublime. Dans le même ordre d'idées, l'explication du Cantique des Cantiques fut composée entre 1577 et 1578, pour obéir à un confesseur, et brûlée ensuite pour obéir à un autre, il n'en resta qu'un fragment conservé par un effet du hasard et publié en 1612 par le Père Gratian sous le titre de Conception de l'amour divin, il y avait ajouté des notes, mais elles furent supprimées par l'Inquisition. De la même année, 1578, date un traité sur la manière de visiter les monastères, publié en 1613 à Madrid, sur un autographe de l'Escurial, par les soins d'Alphonse de Jésus-Marie, général de l'ordre. Sainte Thérèse avait encore écrit des avis à ses religieuses, au nombre de 88 et qui parurent pour la première fois en 1583 avec le chemin de la perfection, et des poésies spirituelles en assez grande quantité, mais dont il ne reste que 3 gloses, et un cantique sur la blessure de son cœur percé d'une flèche d'or. La plus célèbre de ces poésies est la fameuse glose ayant pour refrain que Muero porquen o Muero, composée à Salamanque le 15 avril 1571, le jour de Pâques, au rapport de Diego de Yepes. Rien d'étonnant que Sainte Thérèse ait traduit en vers passionnés les sentiments qui remplissaient son âme, et c'est d'elle-même qu'elle parle dans le 16e chapitre de sa vie. Je connais une personne à qui, tout en n'étant point poète, il arrivait de faire, sur le champ des vers pleins de sentiments pour déclarer sa peine, il n'était pas l'œuvre de son entendement, mais pour mieux goûter la gloire que lui procurait une peine si savoureuse, tant s'abrosa pena elle s'en plaignait à son Dieu. La correspondance de Sainte Thérèse est très volumineuse, Bien que plusieurs lettres aient été perdues et d'autres volontairement détruites par ses correspondants pour des motifs de prudence, celles qui ont été publiées jusqu'à présent sont au nombre de 342, avec 87 fragments. Aucun ouvrage de Sainte Thérèse n'a été écrit en vue du public et dans une préoccupation mondaine. Tous portent par conséquent le cachet du naturel et de la simplicité. Il semble toutefois que ces lettres révèlent sous une forme plus vive et plus spontanée encore certains côtés d'une nature pleine d'un charme délicat. Elles mériteraient à ce titre une étude spéciale que le sujet de ce volume ne comporte pas. On a faussement attribué à Sainte Thérèse des méditations sur le Pater, et une prophétie sur le royaume de Portugal. En revanche, on doit la regarder comme l'auteur des constitutions de ces religieuses, et quelques-uns de ses ouvrages ne nous sont pas parvenus, sans compter ce roman de chevalerie qu'elle avait composé à 12 ou 14 ans avec son frère Roderick, dont elle ne parle pas et qu'elle détruisit probablement par la suite. Elle mentionne elle même un traité de la mélancolie et un traité sur l'oraison de quiétude. On sait de plus qu'elle avait écrit un cantique sur le nom de Jésus et des avertissements spirituels adressés à Philippe II, en 1569, pendant qu'elle était à Madrid. Ses ouvrages, à l'exception de deux, ne furent imprimés qu'après sa mort, mais par leur nature et en raison des motifs qu'il avait décidé à les composer, ils ne restèrent pas inconnus de son vivant. Comme il en circulait des copies manuscrites, il devine bientôt nécessaire d'en donner une édition authentique. Louis de Léon en fut chargé par le Conseil royal de Castille, et elle parut à Salamanque en 1588, avec une introduction en forme de lettre adressée, sous la date du 15 septembre 1587, à la Mère Anne de Jésus, supérieure des Carmélites de Madrid. Ses écrits de Sainte Thérèse mettent son âme à nu, et jusqu'à sa dernière heure, car depuis 1561 et peut-être 1560, elle ne dépose la plume que pour travailler ou prier. Le repos, non de l'oisiveté, mais du loisir lui a toujours manqué. Elle écrit, mais par ordre, ses confesseurs et ses directeurs l'exigent, dans le principe par défiance, pour la mieux connaître et la mieux juger, plus tard par admiration et pour que rien ne soit perdu de sa doctrine. Elle obéit, d'abord pour s'éclairer elle-même, car ses scrupules égalaient sa ferveur, toujours par soumission et à regret. C'est pour elle une perte de temps, pour autrui un préjudice. J'écris à contre-cœur et presque furtivement, dit-elle, parce que cela m'empêche de filer, et que je suis dans une maison pauvre, où les occupations foisonnent. Ses infirmités lui rendaient aussi très pénible cette contention d'esprit. De toutes les choses que l'obéissance m'a fait faire, dit-elle encore, il y en a peu qui m'aient été aussi malaisé que d'écrire actuellement sur l'oraison. J'ai depuis 3 mois un bruit continuel dans la tête et une extrême faiblesse, mais, sachant que la vertu d'obéissance rend possible ce qui paraît impossible, je m'y suis déterminé. D'ailleurs, elle s'en juge incapable, le Seigneur ne lui a pas donné l'esprit nécessaire pour cela. Elle est ignorante et simple, son intelligence est des plus bornées, son esprit grossier, sa mémoire infidèle, elle n'a ni instruction ni capacité pour s'instruire. Il ne faut pas la croire sur parole, elle-même n'était pas arrivée tout d'abord à cet excès d'humilité, et confesse qu'elle avait cru quelque temps avoir de l'esprit. Citation extraite des demeures. Prologue. Elle ne se trompait pas, et cette pitoyable vanité était excusable, Dans tous ses écrits éclatent le charme et la grâce, non sans mélange de vivacité et un grain de gaieté dont la douceur ne voile pas la finesse. Sa conversation ravissait, disent tous ses biographes, on le croit sans peine, à en juger par ses lettres, vous me faites rire, mon révérend père, écrivait-elle au père Ambroise Marian, quand vous dites que vous connaîtriez le caractère de cette demoiselle rien qu'à la voir, nous ne sommes pas si faciles à connaître, nous autres femmes, est-elle à confesser une femme pendant des années, qui est tout surpris de s'apercevoir un jour qu'il ne la connaît pas? Je citerai encore une autre de ses lettres, adressée à l'évêque d'Avila et désignée ordinairement sous le titre de lettre de la satire. Un jour que Dieu lui avait fait entendre ces mots, « Cherche-toi en moi », elle les avait répétés à son frère Laurent. L'évêque avait prié celui-ci de mettre par écrit ses réflexions sur cette parole divine, ainsi que trois autres personnes, un gentilhomme du nom de Salcède, le père Julien, prêtre d'Avila, et le père Jean de la Croix. Puis il avait envoyé le tout à Sainte Thérèse pour avoir son avis. Elle se tire avec beaucoup d'aisance et de tact de ce pas difficile. Elle corrige gaiement les quatre compositions. Monsieur de Salcède, a pris à gauche, et s'il ne veut faire connaissance avec l'Inquisition, sa voisine, il rétractera des propositions hasardées. Le père Julien commence bien y finit mal, il sort de la question, mais on peut lui pardonner, car il a un mérite. Celui d'être moins long que le père Jean de la Croix. Celui-ci est trop raffiné, il spiritualise à l'excès. Avec tout cela, il faut pourtant lui savoir gré de nous avoir si bien expliqué ce que nous ne lui demandions pas. Quant à son frère, le pauvre monsieur de Cépède n'en a dit plus qu'il n'en savait, et il a bien raison d'en être un peu honteux. La conclusion, c'est que, des quatre, le meilleur ne vaut rien. Cette lettre est un modèle de raillerie enjouée, cachant une critique solide. Il y a là plus que de l'esprit, il y a du jugement. C'était une autre de ses qualités, la mesure, le discernement, la prudence réfléchie dont elle fait preuve tiennent sans doute au temps où elle a vécu. Mais plus encore à sa nature tout ensemble expansive et contenue, elle décrit de son mieux cet état d'oraison et d'extase qui lui était devenu habituel, mais elle avertit ses religieuses de ne pas apporter à cette lecture un empressement excessif ni de vaine curiosité. Éminemment sensée, pratique dans ses vues, elle sait diriger les affaires de son ordre, se connaît en caractère, ne se laisse pas tromper sur les fausses vocations, n'accepte dans ses couvents ni des aptitudes douteuses, ni des filles trop jeunes, ni des filles sans jugement. Lettre à la mère Marie-Joseph, 28 mars 1578. Elle cherche la qualité, la quantité ne manquait pas. Elle sait les mécomptes de la vie religieuse, ses pièges, ses chutes, les dangers d'une direction mal avisée, elle en parle par expérience. Rien de plus rare qu'un bon directeur, à la fois spirituel et savant. Aussi est-elle très difficile à contenter sur ce point. Elle entend garder la liberté de sa conscience et déclare qu'elle n'a jamais pu prendre sur elle d'abandonner la conduite de son âme à un guide inhabile. On conçoit aisément la nécessité d'une sage direction dans la vie mystique, que Jean d'Avila, Louis de Grenade, directeurs eux-mêmes, théologiens instruits, s'en préoccupent, rien de plus naturel, mais ce souci, chez une femme qui est une des plus puissantes expressions du mysticisme, n'est-il pas l'indice d'un fond inaltérable de rectitude et de bon sens? Malgré l'enthousiasme de la foi et les ardeurs invincibles de l'amour divin, une intelligence si heureusement douée ne resta pas sans culture. Thérèse savait lire à 6 ou 7 ans, n'en rions pas, j'imagine que, vers 1521, on n'en aurait pas dit autant de toutes les filles nobles de l'Espagne. Nulle part elle ne manifeste pour l'étude et les connaissances qu'elle procure ce mépris si commun parmi les mystiques, et qui leur est si naturel. En déplorant de n'être pas plus éclairée, elle proteste qu'elle a toujours été amie des lettres. Les lettres servent à tout, et le savoir est une grande chose. Elle se rend compte des périls de la spiritualité, lorsque la science fait défaut, ce qui rend la vie spirituelle si dangereuse pour les femmes, c'est qu'elles sont ignorantes. Voilà pourquoi elle demande au confesseur et au directeur de l'instruction, persuadée qu'une personne de raison, qui consulte des gens savants, ne sera pas trompée par les artifices du démon, si elle ne se veut tromper elle-même, car l'esprit de ténèbres appréhende les gens savants, vertueux et humbles, parce qu'ils sont capables de découvrir ces illusions. Si l'on joint à cela qu'elle redoute les demi-savants, quel plus bel éloge de la science que celui-là! Elle avait de la lecture, peut-être même avait-elle lu autre chose que des livres de piété, les vies des saints, les confessions de saint Augustin, les lettres de saint Jérôme. Je ne parle pas des romans qu'elle avait tant aimés dans sa jeunesse, tout mauvais qu'il pouvait être et digne des railleries de Cervantes, il n'avait peut-être pas laissé que de donner à son esprit une compréhension plus vive, mais d'ouvrages plus sérieux. Ainsi, en plusieurs endroits, elle mentionne le mouvement des cieux et un ciel immobile. Quant aux mystiques, elle avoue qu'elle s'en est nourrie, mais sans grand profit, qu'elle est restée plusieurs années sans les bien entendre, jusqu'à ce qu'elle ait été éclairée d'en haut, et qu'alors elle a reconnu qu'elle ne pouvait les suivre. Il n'y a pas assez d'humilité dans le conseil qu'il donne d'élever l'esprit au-dessus de toutes les choses créées, ni assez de sécurité dans la recommandation de ne se rien imaginer de corporel en Jésus-Christ, et de contempler sa divinité seule. Nous ne sommes pas des anges, le Christ-homme est accessible à l'homme, et rien ne plaît tant à Dieu que de nous voir aller à lui par le médiateur. Elle a donc su discerner, comme Louis de Léon, qu'elle n'avait jamais vu et auquel elle n'écrivit jamais, comme Bossuet lui-même, le péril que cette tendance faisait courir au dogme, et cela dès le début, sans secours étrangers. Car elle s'en explique dans son premier écrit, la relation de sa vie, destinée à soumettre aux théologiens sa doctrine en voie d'élaboration, encore inconnue ou mal connue, si je m'en étais tenue à ses auteurs, dit-elle, jamais je ne serais arrivée à l'état où il a plu à Dieu de m'élever. Sa bonne foi est hors de doute. La déclaration qu'elle fait ici atteste donc qu'elle avait marché par d'autres voies, surtout elle témoigne d'un fait essentiel à constater, l'originalité de ses ouvrages, composés sans maître, éclos de son génie et de son cœur. Au reste, elle voulut se servir de ses lectures, qu'elle ne l'aurait pas pu. Un grand nombre de traités dévots et mystiques avaient circulé en Espagne, écrits ou traduits en langue vulgaire, quand elle commença les siens, en 1561. La plupart étaient prohibés par l'index de 1546, renouvelé en 1550 et années suivantes. Or, elle ne savait pas le latin, et sa mémoire était si mauvaise, elle s'en plaint en 1000 occasions, qu'elle n'était guère à même de mettre ses souvenirs à profit. À l'époque de cette prohibition, elle n'était pas sûre d'elle-même, Elle ressentit d'abord une peine assez vive d'être privée de ces livres où elle cherchait avidement la vérité et le mot des étranges phénomènes qui se passaient dans son être moral, mais au fond elle n'en avait pas besoin. Tout ignorante qu'elle était des termes de la théologie mystique, la lumière devait lui venir d'ailleurs. Dieu seul lui donne le livre de vie, il est le livre où elle apprend tout. Elle n'a plus ou presque plus besoin des autres. On a remarqué des rapports évidents entre sa vie et les confessions de saint Augustin, mais n'en a-t-on pas exagéré la portée? Sans doute, c'est à l'exemple d'Augustin qu'elle charge ses jeunes années de crimes imaginaires. Augustin lui enseigne l'humilité, mais pas autre chose. Elle n'est donc disciple de personne ni dans le passé, ni dans le présent. Si elle consulte tous les théologiens de quelque renom, elle en cite elle-même près de 40. Aucun n'est son maître, ni Jean d'Avila, ni Louis de Grenade, ni Saint-Pierre d'Alcantara, l'ascétique franciscain, celui de tous qu'elle a le plus vénéré. Qui elle retrouvait le plus de conformité avec ses propres inspirations, il constate son état intérieur, l'y confirme, la rassure, mais la suborne leur rôle, et le mysticisme de sainte Thérèse ne leur doit qu'une chose, c'est que sans leur commandement elle n'en aurait jamais rien écrit. À dire le vrai, elle n'a qu'un maître, Dieu. C'est encore elle qui le confesse avec la simplicité et le naturel qui sont parmi les traits les plus saillants de son caractère. Autant elle s'était montrée inquiète, avide de conseils, durant la période d'élaboration et d'incertitude, autant elle manifeste de tranquille assurance, une fois arrivée à la pleine intelligence de sa vie extatique. En tout temps, elle reste sincère et vraie, son humilité n'est pas une feinte, quand elle se traite de méprisable et mauvaise créature, indigne et trop hardie pécheresse, elle se croit telle qu'elle se juge, elle ne fait pas plus de difficulté d'avouer les souffrances, les persécutions qu'elle a endurées, elle n'affecte pas de s'en taire et les raconte de bonne grâce. Elle entend la patience chrétienne comme Louis de Léon. Je ne sais si l'on trouverait un plus parfait modèle d'une vertu fort recommandée aux personnes pieuses, et qui est peut être la plus rare, la simplicité. Elle découvre son âme, et on y reconnaît les grandes lignes de la nature humaine. Le mysticisme, qui n'avait pas abêti son intelligence, n'avait pas non plus desséché son cœur, les affections natives de l'âme y vivaient toujours, lorsque, au moment d'entrer dans un monastère, elle franchit pour la dernière fois le seuil de la maison paternelle, elle exprime avec force le déchirement dont elle ne peut se défendre, eût-elle été prête à rendre l'esprit qu'elle n'aurait pas éprouvé une plus cruelle douleur? Lorsqu'elle perdit son père, son désespoir fut grand, « Je l'aimais, dit-elle, si tendrement, qu'il me sembla, quand il expira, qu'on m'arrachait l'âme. » Toute sa vie, elle garda au sien une affection vigilante, elle chérissait ses nièces, ses neveux, s'inquiétait de leur éducation, même de leurs affaires. On a de ses lettres à son frère Laurent, qu'elle dirigeait dans la vie spirituelle, lettres charmantes de tendresse et de prudence, une entre autres où elle le prie de ne pas se tourmenter de sa santé, dans le cas où il verrait des lettres qu'elle dictait, faute de pouvoir les écrire. À la mort de ce frère, qui précéda la sienne de 2 ans, la soumission chrétienne ne l'empêcha pas de le pleurer, on sent les larmes sous la résignation. Avec ses dons heureux de l'intelligence et du cœur, quoi d'étonnant qu'elle ait fait sur l'imagination de ses contemporains une impression ineffaçable, et qu'elle ait fini par se trouver en quelque sorte naturellement au dessus même de ceux qu'elle avait consultés, tous n'étaient pas, à l'origine, prévenus en sa faveur, mais elle réussissait à se les rendre favorables par la sincérité de sa parole et par un ascendant inné qu'elle prenait, à son insu, sur quiconque l'approchait, sans qu'elle s'en doutât, avec toute son humilité, sa défiance d'elle-même, sa soumission à l'Église et au clergé, les rôles changeaient insensiblement, dépassant, dominant ses guides. Elle finissait par diriger ses directeurs. Sa correspondance en fait foi, elle avait triomphé, sa doctrine comme sa réforme était acceptée. Dès lors elle fut une sainte, sa renommée s'accrut rapidement. Philippe II la tenait en grande estime, elle lui écrivit plusieurs fois, il se trouvait une prédiction qui l'annonçait, après sa mort, elle fit des miracles, elle en avait déjà fait de son vivant, elle eut sa légende, canonisée en 1622, elle fut un docteur de l'Église, et, par la volonté des Cortés, la seconde patronne de son pays. Elle devait être, 190 ans plus tard, généralissime des armées espagnoles dans la guerre de l'indépendance.